2. Plus tard, lorsque les barbares occupèrent Hippone et profanèrent les saints lieux, le corps d'Augustin fut enlevé par les fidèles et transporté en Sardaigne. Plus tard encore, l'an 718, 280 ans après la mort du saint, le pieux roi lombard lui prend, ayant appris que la Sardaigne était dévastée par les Sarrasins, envoya dans l'île des messagers qu'il chargea de transporter les saintes reliques à Pavie. Ces messagers, à force d'argent, obtinrent d'emporter les reliques et les amenèrent à Gênes, où le roi lui prend vint au-devant d'elle en grande cérémonie. Mais le lendemain matin, vainement on essaya de soulever le cercueil pour lui faire continuer son voyage. On ne put le soulever que lorsque le roi eut fait vœu de construire au même endroit une église en l'honneur de saint Augustin. Pareil miracle se produisit le lendemain dans une villa du diocèse de Tortone, appelée Casale. Et là aussi, le roi construisit une église en l'honneur de saint Augustin. Il donna en outre la villa avec toutes ses dépendances aux serviteurs de l'église, en possession perpétuelle. Et comme il vit bien d'après ces deux faits que le saint désirait avoir une église dans tous les endroits où son corps s'arrêtait, il décida une fois pour toutes d'élever une église dans chacun de ces endroits. C'est ainsi que, en grande pompe, le corps parvint à Pavie, où il fut déposé dans l'église de Saint-Pierre, qu'on appelle communément « ciel d'or ». 3. Un meunier qui avait une dévotion spéciale pour saint Augustin fut atteint d'un mauvais abcès à la jambe. Il invoqua le saint, et celui-ci, lui étant apparu en rêve, lui frotta la jambe avec la main. Le lendemain, le meunier se réveilla guéri. 4. Un enfant souffrait de la pierre, et les médecins allaient l'opérer, lorsque sa mère, craignant les dangers de l'opération, pria saint Augustin de lui venir en aide. Aussitôt l'enfant rendit la pierre avec son urine et recouvra la santé. 5. Dans un monastère qui s'appelait l'Aumône, un moine, ayant été ravi en esprit la veille de la fête de saint Augustin, vit descendre du ciel une nuée brillante, sur laquelle était assis le saint docteur en habits pontificaux, illuminant l'église entière des deux rayons enflammés qui sortaient de ses yeux. De son côté, saint Bernard vit un jour un beau jeune homme, debout dans une église, et dont la bouche était une fontaine d'où jaillissait tant d'eau que l'église tout entière en était remplie. Et saint Bernard comprit que c'était Augustin, dont la doctrine, fontaine de vérité, arrosait toute l'église. 6. Un pieux pèlerin donna une grosse somme au moine chargé de la garde du corps de saint Augustin pour obtenir de lui l'un des doigts du saint. Mais le moine, ayant pris l'argent, enveloppa dans de la soie le doigt d'un mort quelconque et le donna au pèlerin en lui affirmant que c'était bien le doigt d'Augustin. Or le pèlerin adorait pieusement cette fausse relique, ne cessant point de la baiser ou de la serrer sur son cœur, de telle sorte que Dieu, touché de sa ferveur, transforma la fausse relique en un vrai doigt de saint Augustin. Et le pèlerin, revenu chez lui, opéra tant de miracles avec sa relique que le bruit en arriva jusqu'à Pavie. Le moine, alors, révéla comment il avait donné au pèlerin le doigt d'un mort inconnu. Mais, quand on ouvrit le cercueil, on vit qu'un des doigts du saint manquait réellement. 7. Dans le monastère de Fontaine, en Bourgogne, vivait un moine nommé Hugues, qui, admirant avec passion saint Augustin, le priait souvent d'obtenir pour lui qu'il mourût le jour de sa fête. 15 jours avant la fête du saint, ce moine fut pris de fièvre. La veille de la fête, on le déposa à terre, presque mort. Et soudain, un autre moine, qui priait dans la chapelle, vit entrer en procession plusieurs hommes, tout vêtus de blanc, que suivait un évêque de figure vénérable. Le moine demanda qui étaient ces hommes et où ils allaient. Et l'un d'eux lui répondit que c'était saint Augustin qui venait, avec ses chanoines, assister à la mort de son ami, pour emporter ensuite son âme au glorieux royaume. 8. Du vivant d'Augustin, une femme, qui avait à souffrir de la part de méchants, vint trouver le saint pour lui demander conseil. Elle le trouva occupé à étudier. Il ne leva point les yeux sur elle, ni ne répondit à ses paroles. En vain, elle s'approcha de lui et lui parla dans l'oreille, craignant que, dans sa sainteté, il ne voulût point regarder un visage de femme. Augustin ne lui répondit toujours pas, ne parut pas l'entendre, et elle s'en alla, toute triste. Mais le lendemain, Comme Augustin célébrait la messe, ladite femme fut ravie en esprit et se vit transportée devant le tribunal de la Sainte Trinité. Augustin était là aussi, la tête baissée. Et la femme entendit une voix qui lui disait « Lorsque tu es allée chez Augustin, il se trouvait ainsi en présence de la Sainte Trinité, et voilà pourquoi il ne s'est pas même aperçu de ta visite. Mais, à présent, si tu retournes chez lui, il t'accueillera avec plaisir et te sera de bons conseils. » La femme retourna donc chez Augustin, et tout se passa comme la voix l'avait dit. 9. On raconte aussi que certains hommes de Dieu, ayant été ravis en esprit, vit tous les saints dans leur gloire, à l'exception de saint Augustin. Il demanda où était celui-ci, et une voix lui répondit « Il est au plus haut des cieux, admis en présence de la Sainte Trinité. » 10. Le marquis Malaspina, ayant jeté en prison certains habitants de Pavie, les condamna au supplice de la soif, pour leur extorquer une grosse rançon. Les uns buvaient leur urine, d'autres se préparaient à rendre l'âme. Le plus jeune d'entre eux eut l'idée d'invoquer l'aide de saint Augustin, pour qui il avait une dévotion spéciale. Et voilà que, à minuit, saint Augustin apparut à ce jeune homme, le prit par la main, le conduisit jusqu'au fleuve, et lui mit sur la langue une feuille de vigne trempée dans l'eau. Et le jeune homme en fut si rafraîchi que le plus parfait nectar n'aurait plus eu pour lui la moindre saveur. 11. Un curé qui avait une grande dévotion pour saint Augustin et qui, depuis 3 ans, était malade dans son lit, invoqua le saint la veille de sa fête, en entendant sonner les vêpres. Et le saint lui apparut, tout vêtu de blanc, l'appela 3 fois par son nom et lui dit « Voici celui que tu as si souvent appelé, lève-toi vite et célèbre-moi l'office des vêpres. » Aussitôt le curé guéri se leva, entra dans l'église, à la stupéfaction de tous, et y célébra pieusement l'office. 12. Un berger avait entre les 2 épaules un ulcère qui le privait de toutes ses forces. Il invoqua saint Augustin, qui lui apparut en rêve, mit sa main sur l'ulcère et le guérit entièrement. Le même homme, par la suite, devint aveugle et de nouveau invoqua l'aide de saint Augustin. Celui-ci lui apparut à l'heure de midi, lui frotta les yeux et aussitôt lui rendit la vue. 13. L'an du Seigneur 912, une troupe de 40 malades, venus d'Allemagne et de France, se rendait en pèlerinage à Rome pour y visiter les tombeaux des apôtres. Les uns étaient conduits sur des sellettes, d'autres marchaient sur des béquilles, d'autres, privés de la vue, se traînaient à la suite de leurs compagnons, d'autres encore avaient les mains et les pieds paralysés. Ayant franchi les Alpes et étant arrivés au village de Cana, à 3 000 de Pavie, ils virent venir au-devant d'eux saint Augustin qui, sortant de l'église des Saint-Côme et d'Amiens, les salua et leur demanda où ils allaient. Puis il leur dit « Allez à Pavie, dans l'église de Saint-Pierre, qu'on appelle aussi le ciel d'or. Là, on aura pitié de vous. » Ils lui demandèrent qui il était et lui « Je suis Augustin, jadis évêque d'Hippone. » Et aussitôt il disparut. Les pèlerins, arrivés à Pavie, se rendirent au monastère de Saint-Pierre. Et là, ayant appris que le corps de Saint-Augustin y était déposé, ils s'écrièrent d'une voix unanime « Saint-Augustin, viens à notre aide !» Moines et bourgeois, attirés par leurs cris, affluaient pour les voir. Et soudain, sous l'effet de tension de leurs nerfs, les pèlerins commencèrent à perdre leur sang, de telle sorte que, depuis le seuil du monastère jusqu'au tombeau de Saint-Augustin, le sol se trouva tout ensanglanté. Mais dès qu'ils furent parvenus au tombeau du saint, tous recouvrèrent une santé parfaite. Depuis ce jour, la renommée du saint ne cessa point de grandir, et une foule de malades se pressait autour de son tombeau. Puis, ayant été guéris, ils offraient des cadeaux à l'église, en gage de reconnaissance. Et bientôt, la masse de ces cadeaux fut telle qu'elle encombra la chapelle tout entière, ainsi que tout le porche, au point de rendre la circulation difficile autour du tombeau. Forcés par la nécessité, les moines firent transporter cette masse de cadeaux en un autre endroit. Ici se termine saint Augustin de la légende dorée de Jacques de Voragine. Traduction Théodore de Viseva.